Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de la boîte à BO. Vous en avez désormais pris l'habitude, chaque mardi l'occasion de revisiter les grands standards de la musique du film. Nous allons passer ensemble une demi-heure pour écouter donc de très belles bandes originales en compagnie de Francine. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Alors Francine, quel est le programme du jour ? Eh bien aujourd'hui, nous avons choisi de vous proposer des BO composés par un des plus grands Ennio Morricone, compositeur italien décédé en juillet 2020 à l'âge de 91 ans après une carrière extraordinaire. Et évidemment, le plus difficile a été de faire le choix des BO car elles sont toutes tellement mythiques et pour ne rien gâcher, elles sont issues de films qui resteront des monuments du cinéma. Donc aujourd'hui, on vous promet encore une belle programmation. Très bien Francine, et bien retrouvons-nous donc dans quelques instants pour écouter les plus belles musiques de films d'Ennio Morricone. Alors commençons tout de suite par Le Bon, la Brute et le Truand avec un western de Sergio Leone qui est sorti en 1968 avec notamment Clint Eastwood, Eli Wallach et Lee Van Cleef. Ce film se passe pendant la guerre de sécession. Il évoque l'histoire de trois hommes qui, plutôt que de s'impliquer dans la guerre, préfèrent s'intéresser à leur profit personnel en se lançant à la recherche d'un coffre contenant 200 000 dollars en pièces d'or volées à l'armée sudiste. L'un sait que le trésor se trouve dans un cimetière tandis que l'autre connaît le nom inscrit sur la pierre tombale qui sert de cache. Chacun a besoin de l'autre, mais un troisième homme entre dans la course, une brute qui n'hésite pas à massacrer femmes et enfants pour parvenir à ses fins. Alors oui, et pour composer le célèbre air du Bon, la Brute et le Truand, Ennio Morricone se serait inspiré du cri de la hyène avec son énergie et son agressivité. Le morceau est repris à de très nombreuses fois dans le film comme une sorte de ponctuation du récit. Donc retrouvons, et vous écouterez bien le cri de la hyène, cette musique où effectivement on repère bien ce cri. Eh bien tout de suite, on écoute un extrait de la bande originale composée par Ennio Morricone. Thank you. Alors, on va rester sur le western avec Il était une fois dans l'Ouest, toujours de Sergio Leone, qui est sorti sur les écrans en 1969. Dans la longue scène d'ouverture du film, un mystérieux joueur d'harmonica arrive en train à Flagstone, une ville de l'Ouest américain. Trois tueurs sont envoyés par le bandit Frank, interprété par Henry Fonda, pour attendre cette personne à la gare sous une chaleur torride. Après un duel de regards silencieux, le joueur d'harmonica abat les trois hommes avec son revolver, mais est blessé. Pendant toute la suite du film, ce mystérieux vengeur anonyme et taciturne portera le nom d'harmonica. Alors, sais-tu, Francine, que Sergio Leone avait demandé aux trois vedettes de son précédent western, donc le Bon, la Brute et le Truand, à savoir Clint Eastwood, Eli Wallach et Lee Van Cleef, d'être les trois tueurs qui attendent justement l'homme à l'harmonica à la gare au début de son film. Et des trois, seul Clint Eastwood, qui devait pourtant sa célébrité à Leone, refusa. Alors, Sergio Leone avait envisagé plusieurs acteurs pour le rôle d'harmonica et Jean-Paul Belmondo faisait partie des choix potentiels, mais c'est finalement Charles Bronson qui obtiendra ce rôle. Alors écoutons tout de suite sans plus hésiter donc un morceau mythique d'Il était une fois dans l'Ouest, l'homme à l'harmonica. Voilà, donc après Il était une fois dans l'Ouest, on va poursuivre avec Le Clan des Siciliens, sorti également en 1969, mis en scène par Henri Verneuil. Ce film restera à jamais l'unique polar de l'histoire du cinéma qui a réuni le trio magnifique, donc Gabin, Delon, Ventura. Alors, ce film, c'est l'histoire d'un escroc notoire, Roger Sartet, interprété par Alain Delon, qui parvient à s'évader du fourgon qui le ramenait à sa cellule. début grâce à l'aide du mafieux Victorio Manalès, interprété par Jean Gabin. Pour payer sa dette, il aide Victorio à dérober une collection de bijoux présentée lors d'une exposition à Rome. Eh bien, le commissaire Le Golf, Lino Ventura, qui avait déjà arrêté sa retraite, commence alors la traque sans succès. Eh bien, Jérôme, il faut savoir que c'est la deuxième collaboration d'Ennio Morricone avec Henri Verneuil, car il l'avait déjà sollicité un an auparavant pour The Guns for San Sebastian. La partition du clan des Siciliens mêle des tonalités très dramatiques d'un orchestre à cordes aux sonorités décalées, d'un sifflet et d'une guimbarde. Comme le film lequel accompagne, et comme souvent chez Morricone, cette partition rencontrera un immense succès, donc réécoutons sans attendre cette BO extraordinaire. Alors, passons maintenant à un film de Giuliano Montaldo, sorti en 1971, Sacco e Vanzetti. Alors, ce film raconte l'histoire de l'affaire Sacco e Vanzetti qui fit trembler les années 20. Un hold-up sanglant est commis le 15 avril 1920 dans le Massachusetts. Deux anarchistes d'origine italienne, Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti, sont arrêtés. Malgré le manque de preuves formelles, ils sont condamnés à mort et envoyés à la chaise électrique. Alors Francine, on connaît tous la chanson du film « Here's to you hein, » donc John Baez. La structure du morceau est simplement constituée d'une phrase musicale répétée 10 fois dans la version la plus classique, les 2 premières fois sans parole et la dernière fois en crescendo. Alors la voix de John Baez pour la chanson est enregistrée à Rome le 15 août 1970, unique date disponible pour la chanteuse, et il n'y avait pas donc les membres de l'orchestre. Alors John Baez a juste chanté sur une base piano-batterie sans orchestre et Ennio Morricone a ensuite superposé l'enregistrement sur la musique. Ennio Morricone recevra pour cette œuvre un Astro d'Argento en 1971. Alors oui, Jérôme, on ne connaissait pas ce prix-là. Et finalement, ça s'appelle en fait le ruban d'argent. Et ce sont des récompenses qui sont décernées chaque année par le Syndicat national des journalistes cinématographiques italiens. Oui, voilà. D'où le nom. Et donc, c'est quand même un des prix les plus anciens en Europe. Très bien, Francine. Alors écoutons justement la merveilleuse voix de John Baez. Voilà, on vient d'écouter John Baez pour la bande originale du film, donc Sacco et Vanzetti. Et donc, c'est une musique de Ennio Morricone. Vous êtes bien sur Radio Fadjet. On a une boîte à BO spéciale, justement, Ennio Morricone. Et on continue avec un autre western, avec Mon nom et personne, sorti en 1973, réalisé par Sergio Leone et Tony Valeri, avec donc notamment Henry Fonda et Terence Hill. Alors, c'est l'histoire de Jacques Bourgard, légende de l'Ouest, donc interprété par Henry Fonda, qui désire mettre un terme à sa carrière de pistolero et qui envisage de s'embarquer pour l'Europe. Mais un jeune admirateur, affirmant s'appeler Personne, ne l'attend pas de cette oreille. Et il veut faire entrer Beauregard dans l'histoire en l'amenant à combattre la horde sauvage. Alors, concernant la musique du film, elle donne dans la référence et la parodie, puisque Ennio Morricone y a placé la chevauchée des Valkyries de Wagner, My Way, ou encore même sa propre partition d'Il était une fois dans l'Ouest, qu'on a écouté tout à l'heure, avec le thème de l'homme à l'harmonica. Donc, écoutons maintenant le thème principal du film. Donc après mon nom est personne, continuons toujours avec Ennio Morricone et cette fois-ci nous allons vous présenter Mission, donc un film d'aventure de Roland Joffré sorti en 1986 avec Robert De Niro et Jeremy Irons. Au début du XVIIIe siècle, le frère jésuite Gabriel fonde une mission sur les terres des Indiens Guaranis. À la même époque et dans les mêmes lieux sévit Mendoza, aventurier mercenaire. Ces deux hommes vont se retrouver pour lutter contre la domination espagnole et portugaise. Alors Francine, donc ce film gagne donc en 1986 la Palme d'Or à Cannes, alors annoncé en compétition quelques jours seulement avant le début du festival, beaucoup le voyaient déjà comme une palme possible et pourtant le prix de Roland Joffé est accueilli par des donc sifflements chez les journalistes. On reprocha la victoire de l'argent sur l'art en le comparant avec d'autres films en compétition comme par exemple Le Sacrifice du Russe Andrei Tarkovsky. Alors pour Ennio Morricone, ce film, ce fut le moment opportun d'y exprimer toute sa foi en Dieu et en sa spiritualité. La musique de Mission est un mélange entre l'œuvre religieuse que fut le Requiem, notamment de Giuseppe Verdi. Et nous avons choisi de vous faire écouter ce magnifique thème principal de Mission. Voilà, c'était un extrait de la bande originale de Mission, un film de Roland Joffé avec la musique d'Ennio Morricone. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission consacrée aux musiques d'Ennio Morricone. Alors Francine, tu as eu le libre choix de choisir donc les bandes originales de films et je suis un petit peu déçu parce que je pensais que tu allais me faire plaisir. Ah bon ? Parce que si tu as écouté la boîte à BO numéro 1, eh bien j'avais ma BO coup de cœur, c'était Ennio Morricone, mais avec Cinéma Paradiso. Ah, mais justement, c'est parce que je l'ai écouté que je me suis dit, je vais pas remettre la même. Ah bon. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai proposé de collaborer. Voilà. Eh bien, je crois qu'il y a tellement de belles musiques originales de Ennio Morricone qu'on fera un numéro spécial, le numéro 2 Ennio Morricone. Ça, c'est vrai. Ça. Mais moi, j'ai envie de me faire plaisir. Donc, plutôt que d'écouter donc, le générique final, comme d'habitude, on va se quitter avec un extrait de la bande originale de Cinéma Paradiso, donc interprété par Renaud Capuçon. Je vous souhaite une bonne semaine. Francine, on rendez-vous la semaine prochaine. Tout à fait, la semaine prochaine. Merci à tous et restez fidèles à Radio Fadjet.